يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم Bienvenue pour cette deuxième édition de la conférence française ici dans le Masjid Salafi à Birmingham. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le programme. Donc le premier cours sera donné par l'intervenant Mehdi Abou Abdelrahman, Hafizahullah Ta'ala. Et le second cours sera à 20h, donné par le frère Ammar de Médine, Hafizahullah Ta'ala. Avant de continuer par rapport au programme, nous allons commencer par une note très importante par rapport à ceux qui vont dormir à la mosquée et y rester jusqu'à les prières du Maghrib et du Isha. Donc sachez que ce sont deux prières que nous allons rejoindre aujourd'hui. Et ceci de par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est donc quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et donc c'est ce que vous trouvez ici dans les excusez-moi de bégayer un peu c'est ce que vous trouvez ici dans le programme. Et donc c'est en suivant cet exemple de la part du jugement de certains savants tels que Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ubayd Al-Jabiri ou Cheikh Mohamed Ibn Hadi et bien d'autres, hafizahumullahu jami'an, et que la direction que la direction a décidé de regrouper les prières du Maghrib et du Isha à l'heure du Maghrib. Il est connu également que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam combinait deux prières, les prières derrière lui combinaient également, sans sortir de la congrégation, après avoir fini la première prière. Je tiens à ajouter quelque chose qui n'est pas inscrit sur les feuilles, mais que Cheikh Ubayd Al-Jabiri a ajouté, c'est que cette pratique n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une pratique obligatoire et que celui qui souhaite éventuellement ne pas rejoindre les prières, qui n'en a pas un réel besoin, donc il est libre de le faire. Ensuite, donc pour les frères, simplement pour les frères et pas pour les autres, pas pour les sœurs, on est désolé, il vous est permis de dormir ici dans la mosquée, Inch'Allah, donc ce soir et demain, Inch'Allah. Que dire d'autre par rapport aux sœurs? Donc on s'excuse de par la place que vous avez derrière, mais en fait de par certains incidents qui se sont produits il y a quelques jours, donc il n'est plus permis aux gens qui ne font pas partie de l'école d'entrer dans les classes, quelle que soit l'occasion. Donc on rappelle aux sœurs aussi qu'il y a des caméras, derrière dans les couloirs. Donc pour celles qui se couvrent le visage, on ne vous conseille pas de relever votre sitar. Chose très importante, donc je répète, ne relevez pas votre sitar car il y a des caméras dans les couloirs. Nous avons relevé aussi certains conseils de Cheikh Saleh Al-Sheikh pour l'étudiant en sciences. Parmi ces conseils, que le participant ait l'intention sincère de bénéficier dans sa pratique de la religion. Le deuxième, il se doit d'abaisser son regard quand il marche dans les lieux publics, et ce à tout moment, car l'un des éléments qui assistera l'étudiant dans sa quête de science est la piété. Qu'il achète tous les matériaux nécessaires, livres, cahiers, stylos, enregistreurs, etc., avant d'assister à la conférence. Qu'il trouve un groupe de personnes sérieux afin de revoir les cours pendant les pauses ou pendant la nuit, qu'ils ne prennent pas part à des rassemblements, sauf s'il y a des bénéfices religieux qui y sont mentionnés. Et donc bien d'autres conseils que vous pourrez trouver dans le programme qui a été distribué à chacun d'entre vous, que ce soit les frères ou les sœurs. Je souhaitais passer un gros salam particulièrement à tous ces frères sourds et muets qui sont venus l'an dernier, qui sont revenus cette année. Ça nous fait vraiment plaisir qu'ils se déplacent comme ça de France pour écouter les cours. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Et aussi à ceux qui sont plus âgés et qui ont quand même fait le déplacement, que ce soit de Belgique, de France ou d'autres endroits. Donc, c'est bon. C'est quoi ça? Pour le tanning. Donc voilà, on va vous laisser pour le premier cours et qu'Allah nous augmente tous en science, inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Je voudrais remercier d'abord le frère Ibrahim Abu Abdillah, Hafidahullah Ta'ala, pour sa petite élocution. Et je vous assure que ce n'est pas facile de parler devant les gens. Hein, je sais de quoi je parle. Donc je le remercie, lui ainsi que tous les frères et les sœurs qui participent à l'organisation de, ce, de cette conférence, de cette daura. Comme l'a fait notre frère Abu Abdillah, je voudrais réitérer ma bienvenue. C'est ce que je vais faire dans la première partie du cours, Inch'Allah, à tout le monde, hein, à tous les frères, que ce soit les frères qui soient résidents à Birmingham, ou les frères qui ont fait le déplacement depuis la France, et certains, j'ai entendu, c'est une assez grande distance, et plus particulièrement également à nos frères yani, qui sont malentendants, hafidhahumullah ta'ala, qui sont déjà venus l'année passée, et qui sont donc déjà des habitués de cette mosquée, de ce genre de daurat, et aussi particulièrement notre frère Mohamed Lamine, qui s'occupe de la traduction en langage des signes. À la koulihal, je remercie tout le monde, et si j'ai oublié quelqu'un, qu'Allah me pardonne, hein. Et je commence directement le cours, Inch'Allah Ta'ala. Eh bien, je voudrais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, souhaiter la bienvenue à tous mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, à qui Allah Subhanahu Wa Ta'ala a permis d'assister à cette deuxième conférence francophone à la mosquée Salafi de Birmingham. Et ça, c'est une notion importante, ya ikhwa, de se rappeler, c'est une salat tawfiq. Yani celui à qui Allah Azza wa Jal a facilité d'être ici pour assister au cours. Hein, ça c'est important de se rappeler ça et on va en reparler dans la daura, inshallah, quand je vais faire l'explication de sourate Luqman ou en tout cas une partie de sourate Luqman, les recommandations de Luqman à son fils par Cheikh Abdelrazak al-Badr, inshallah, et ce sera à partir de demain. Donc aujourd'hui c'est juste un cours d'introduction, mais il est important de se rappeler Fadlallah Azza wa Jal, que si on est ici, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal nous a permis d'être ici. Hein? Évidemment aussi, hein, sans être trop long, la sincérité. Hmm? Et le suivi, qui sont les deux conditions pourquoi que l'action soit acceptée. Et je vais essayer de rendre le cours le plus interactif que je peux. Et j'ai prévu des cadeaux, une grande pile de livres là-bas, hein, pour les frères et les sœurs. Inch'Allah, pour les frères, c'est plus facile pour moi parce qu'ils peuvent interagir directement. Pour les sœurs, je leur demanderai peut-être de faire un résumé du cours par écrit. Et la sœur Annie ou les sœurs qui ont fait un bon travail, elles recevront, Inch'Allah, un cadeau. Et parmi les beaux cadeaux qu'on a, c'est deux volumes de recueil de fatwa pour les sœurs par une assemblée de savants, parmi eux, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani et d'autres, hein, en deux volumes. Donc ça, c'est pour les sœurs, d'accord. Et puis, vous voyez devant moi ici, j'ai des livres, il y en a encore derrière, Abou Abdillah compte peut-être vous poser des questions tout à l'heure dans la langue arabe, ce qui est sa spécialité. Donc on va essayer de rendre le cours le plus interactif possible, hein, et que vous soyez là engagé le plus possible dans le cours. Et donc, comme je disais, je voudrais vous souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui sont ici, qui assistent à cette conférence, soit par leur présence physique ici dans la mosquée avec nous, ou soit par leur présence via Internet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la conférence via Internet. Et je voudrais donc souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous en lui disant « Marhaban bi talib l'ilm ». Hein? Pour les frères qui étaient là ici l'année passée, ça doit leur rappeler quelque chose. J'avais commencé aussi la Dora par cette parole-là, mais ne vous inquiétez pas, je vais changer le cours aujourd'hui, Inch'Allah, puisque le cours est axé sur le Coran. Eh bien, je vais axer ce cours sur le Coran aussi, Inch'Allah ta'ala. Bienvenue à l'étudiant en sciences islamiques, ou bienvenue à celui qui est venu demander la science de la religion. Ce qu'on appelle en arabe, comment j'ai dit, talib l'ilm. La diatlobu l'ilm, celui qui cherche à acquérir la science. Évidemment, quand on parle de science, on parle de quelle science? Hein? La science de l'islam, na'am, l'ilm shar'i, ahsant. Je dis donc, marhaban bi talib l'ilm, en prenant pour exemple notre prophète, alayhi salatu wassalam. Muhammad, alayhi salatu wassalam. La traduction du sens de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Pour les frères qui ont fait le qira'a dans une qira'a, أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب. Hein, la sourate qu'on appelle en français l'Équalisée. Verset 21. Hein, donc je vais peut-être interroger des frères après. Je vous conseille vivement de noter, en tout cas de vous rappeler. Je dis مرحبا بطالب العلم, en prenant donc exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela, le hadith de Safwan ibn As-Salin al-Muradi radiyallahu anhu arda. An Safwan ibn As-Salin al-Muradi radiyallahu anhu arda, قال ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmara faqultu lahu ya rasulallah inni ji'tu atlubu al-ilm. Regardez la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. Eh bien, Safwan ibn As-Sal al-Muradi رضي الله عنه وأرضاه, il dit, je me suis rendu chez le prophète عليه الصلاة والسلام, je me suis rendu chez le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, afin de demander la science, de chercher la science, talab al-ilm. Il était couché sur un manteau rouge à lui. وهو متكئ على برد له, retenez les mots, برد له احمر. Je lui dis alors, ô messager d'Allah, فقلت له يا رسول الله. Hein, ça c'est l'adab de sahaba avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Ô messager d'Allah, je suis venu cherchant la science. Il répondit عليه الصلاة والسلام par quoi? Marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue au demandeur de science. La suite du hadith, en tout cas la traduction du sens approché, les anges entourent qui? Hein? Et wa ikhwa. Ahsan, le demandeur de science, de leurs ailes bi ajnihatiha, et lui font de l'ombre. Puis montent les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel terrestre. Et c'est quoi la raison, comme on a rapporté dans le hadith ici? Mahabbatan lima yatlub, par amour pour ce qu'il demande. Et en l'occurrence ici, c'est quoi? La science, l'ilm. Et comme l'a dit le frère très justement, l'ilm shar'i. Ce hadith est rapporté par Ahmed. Et quand je dis Ahmed, pour les frères qui suivent les cours ici pendant l'année, hein, quand je dis Ahmed et je me tais, ça veut dire dans quel livre? Al-Musnad, ahsantum. Wa Tabarani, avec une bonne chaîne de transmission. Et la formulation du hadith ici, ce qu'on appelle, comme on dit en arabe, Wallafdou, hein, est rapportée par At-Tabarani. Wallafdou l'It-Tabarani. D'accord? La formulation du hadith qui a été rapportée, eh bien, c'est celle que vous retrouvez, tu me dis si je parle trop vite. Hein, c'est celle qui est rapportée dans, par At-Tabarani. J'ai trop vite. Il est rapporté également par Ibn Hibban, qui l'a jugé sahih, authentique, et Al-Hakim. Al-Hakim, quel livre il a fait? Al-Musadrak, ahsantum, qui a dit « Sahih ul-Isnad ». C'est-à-dire quoi ? Que sa chaîne de transmission est authentique. Et il est rapporté également par Ibn Majah. Ibn Majah, c'est un des savants qui écrit un livre qui fait partie des Al-Kutub As-Sitta. Qui c'est les cités ? Celui qui les cite, je lui donne un livre. Premier, levez en premier la main. Tfaddal. Ahsant. Il y a un ordre de muhaddithin, mais je donne quand même le livre. Ahsant. Si tu l'as déjà, tu peux le changer, inshallah. Okay. D'accord ? Le frère, très justement, Hafidhahullah Azzallah Khairan, il a dit quoi ? Il a dit Al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah. Hein ? Il les a tous cités, Azzallah Khairan. Le hadith a été jugé hassan, c'est-à-dire bon par qui ? Par Sheikh Mohamed Nasir al-Din al-Bani Asad Sunna bihaq. Hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah ta'ala. Dans quel livre ? Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Alors, qui sait me dire le livre al-Targhib wa al-Tarhib, il est de qui ? Je donne une opportunité à quelqu'un d'autre ? Là, ma chimouchk. Tfadal. Al-Mundiri Ahsant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Sheikh al-Albani, Sheikh Nasser, dans ce livre-là ? Exactement. Donc, ici, c'est dans la partie du quoi ? Sahih, al-Targhib wa al-Tarhib. D'accord ? Ahsan, tazakallah khairan. Le hadith numéro 71, page 139, volume 1 aux éditions Le Ma'arif. Dans un chapitre qui est intitulé, écoutez le titre du chapitre qui est explicite. Al-Targhib fil l'ilmi wa talabih. Hein ? Al-Targhib, je ne vais pas placer sous l'éclairage les frères qui sont ici pendant l'année, je ne vais pas les mettre mal à l'aise. Mais normalement, les frères ici qui font les cours avec moi, qui ont fait le livre de Shirabi'a, Moudakir al-Hadith Nabawi Sharif, ils sont censés être capables de définir al-Targhib ou al-Tarhib. Je vais quand même faire sous la forme de question ouverte. Qui sait me définir al-Targhib ou al-Tarhib ? Ou en tout cas le traduire. Vous m'expliquez avec ces mots. Celui qui me sort la définition comme l'a dit Cheikh Rabi, je lui donne un livre. Ah, Fadl al-Hifd, hein ? Tfadl. Taqrib, vas-y, yalla, tfadl. Si tu le dis, tu as un livre aussi. Toi en arabe, Inch'Allah. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a une chose terrible, c'est les choses qui incitent à quoi ? À faire le bien. Qui va t'amener, bi'idhnillah ta'ala, à quoi ? À accéder à la Jannah. C'est-à-dire que tarhib, hein ? C'est quoi ? C'est le contraire, comme l'a dit justement le frère. Donc ces deux opposés, c'est quoi ? C'est le fait de rapporter les textes qui effraient, de tomber dans ce qu'Allah Azza wa Jalla interdit, hein ? Et qui peut amener à quoi ? Au punissement, à la punition, à l'enfer. Wal'adhu billah. Eh bien, l'imam Mundi, rahimahullah, il a fait un livre qui s'appelle Al-Targhib wa al-Tarhib. Et Cheikh Nasser, rahimahullah, il a fait une correction de ça. Et donc, dans Sahih al-Targhib, chapitre de l'incitation à la science et à sa quête, eh bien, il a rapporté ce hadith. D'accord ? Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, qui est un cheikh contemporain qui est toujours vivant, hein, qui est dans le sud de l'Arabie, ou d'ailleurs qui était... dans la même région qu'un grand savant qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est Cheikh Ahmed bin Nahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Il dit dans son explication de « Al-juhd al-mabdhul fi tanwir al-uqul bi sharh manzumati wasilati al-husul ila muhimmati al-usul ». Le titre il est un peu long, « Ala kulli hal ». C'est un poème dans « Usul al-fiqh ». Usul al-fiqh, c'est la science dont le domaine d'étude est quoi ? Les fondements de la jurisprudence. On va traduire ça comme ça. D'accord ? De l'éminent savant qui est qui ? C'est qui écrit ce poème-là ? Je donne l'opportunité à quelqu'un d'autre. Si personne, tu le dis, Inch'Allah. Les frères qui sont là d'habitude, là, hein, pendant l'année. Tfadal ? Non. Afwan. Al-Haf al-Hakami Ahsant. Hein ? Tu veux un livre ? Al-Haf al-Hakami Ahsant, hein, rahimahullah, ce grand savant qui est décédé très jeune, à l'âge de 35 ans. Hein. Eh bien, ce grand savant de la Sunna, il a écrit un livre qui s'appelle منظومة وسيلة الحصول إلى مهمة الأصول. C'est un poème dans أصول الفقه. Et Cheikh Zayd, il a fait l'explication en deux volumes. Et bien, Cheikh Zayd, dans ce livre-là, il dit, dans un passage de l'introduction du livre qu'il consacre à la préscience de la science et des gens de science, il dit commentant ce hadith. Le hadith de qui ? C'est qui le raoui du premier hadith ? Si c'est une déformation professionnelle, je suis enseignant, donc je suis obligé un peu d'interroger. Hein ? Naam ? Je parle pas, je parle du raoui. Hein ? Safwan ? Ibn Assalin, Ahsant. Vous partagez un livre ou on attend pour la prochaine question ? فانظر يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم وخذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكريم وقل على سبيل الدوام مرحبا بطالب العلم قولا وفعلا واعلم أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع ورحم الله القائل في هذا المعنى ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. Cheikh Zayd al-Madkhali, qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la, il dit, regarde donc aux demandeurs de science, regarde l'étendue de la valeur de la science. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais que vous gardiez en tête tout le long de quoi du week-end. Pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de grand chez Allah Azza wa Jal, si les conditions sont quoi ? Sont réunis. D'accord ? Regarde donc, ô demandeur des sciences, regarde l'étendue de la valeur de la science et la valeur de celui qui la demande, qui cherche à l'acquérir. Hein ? Et comment est-ce qu'on voit cette valeur ? Comment est-ce qu'on la pèse ? Comment est-ce qu'on la mesure ? Eh bien, dans la balance juste de la prophétie. Et prends exemple sur ce noble comportement prophétique et dis de manière continue « Marhaban bi talib al-ilm ». Bienvenue aux demandeurs de science. Dis bienvenue en parole et en action. Et on demande à Allah Azzel qu'il nous facilite, qu'on le fasse, hein, que ce ne soit pas juste en parole et qu'on prenne soin de vous tout le long de ce week-end et Inch'Allah encore après. Et sache que la parole seule n'est pas utile, n'est pas profitable si l'action ne lui est pas conforme. Action par amour et en étant persuadé. Et puis, si tu as un vers de poésie, si les frères qui sont arabophones ils veulent le noter, qu'ils le mémorisent, celui qui mémorise, je lui donne un livre. Hein? Et j'annonce déjà que tout frère qui va mémoriser la page de Sourate Luqman dont je vais faire le tefsir, durant ce week-end, il aura un cadeau de ma part, Inch'Allah. D'accord ? Wa marhaban, qul, liman ya'tika yatlubuh. Si vous voulez que je répète doucement, je le répéterai, Inch'Allah. Wa fihim ihfad wasaya al-mustafa bihim. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه الضمير يعود إلى ماذا pour les frères qui ont fait la langue arabe le pronom personnel il retourne à quoi ici لمن يأتيك يطلبه أي العلم الشرعي نعم وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم وفيهم في من ها c'est qui الطلاب طلاب العلم نعم donc je répète une dernière fois ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ الوصايا المصطفى بهم. Dis bienvenue, traduction, c'est difficile de traduire un peu les vers de poésie en arabe, mais on va essayer d'approcher le sens. Dis bienvenue à qui ? À celui qui vient à toi afin de la demander. Hein ? Les frères qui ont fait du français, afin de la demander, le pronom personnel ici revient à quoi ? On a dit à la science de l'islam, à la science légiférée. Et préserve avec eux les recommandations du Mustafa, alayhi salatu wassalam, les concernant. C'est qui le Mustafa ? Je vous ai aidé, j'ai dit alayhi salatu wassalam. C'est qui le Mustafa ? Hein ? Mohamed, alayhi salatu wassalam. Pourquoi on l'appelle Mustafa ? Hein ? Parce qu'il est élu, très justement. Hein ? Celui qui a été choisi, élu. Je dis donc à chacun d'entre vous, et ça c'est moi qui parle, là, on a clôturé la fin de citation de Cheikh Zayd, marhaban bi talib al-ilm. Les textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent la préscience et la valeur de la science islamique et de ces gens sont très nombreux. On ne peut pas tous les citer évidemment, mais on va en citer quelques-uns, Inch'Allah. Et comme j'ai dit que cette dora, elle est sous le titre « Parmi les perles du Coran hein, », eh bien on va se consacrer à l'étude des versets du Coran quant à ce point-là. Et comme le thème, comme je viens de dire, de cette conférence a trait au Coran, nous citerons à titre d'exemple quelques versets qui indiquent la noblesse de la science et de ces gens. Eh bien, le premier verset, pour les frères qui veulent noter, qui veulent retenir, et les sœurs également, le premier verset, c'est un verset de sourate Ali Imran, que normalement, chaque salafi connaît. C'est le verset 18 de sourate Ali Imran. Je vous laisse deviner, c'est lequel. C'est pas sourate Ali Imran. Shahid Allah. T'étais pas loin. T'étais pas loin. Shahid Allah annahu. Eh ouais, tu me donnes le début, tu ne termines pas. Annahu la illahu. Eh ouais. Wal malaikatu. Wa ulul ilmi. Vous voyez, shahid l'aya. Wa ulul ilmi. Qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa. Al aziz al hakim. La traduction du sens du verset. Allah subhanahu wa ta'ala atteste. Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science. Vous voyez le shahid ici, hein? Qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est une traduction évidemment approchée du sens du verset. Maintenant l'explication de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Qala al-Qurtubi rahimahullah, fi hadhihi al-ayati dalilun. على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لماذا لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء وقال تعالى في شرف العلم لنبيه وقل رب زدني علما كل سورة طه أحسنت donner les grands débuts de la conférence. Ahsan, surat Taha, très juste. Verset 114. فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدِ مِنْهُ كَمَا أَمَرَ أَنْ يَسْتَزِيدَهُ مِنَ الْعِلْمِ يرحمك الله. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي طبعا دار الحديث بالقاهرة المجلد الرابع. Donc l'imam al-Qurtubi, qu'est-ce qu'il a dit? De quel verset on a dit? Comment il a expliqué le verset de sourate Ali Imran, le verset numéro 18. Il a dit, rahimahullah, c'est une traduction de sa parole, il y a dans ce verset une preuve. Parce qu'un shir, quand il rapporte une preuve du Coran de la Sunna, il y a quelque chose en arabe qu'on appelle quoi? Wajl istidlal. Qui sait m'expliquer c'est quoi Wajl istidlal? En français, ou juste de manière très simple, en quelques mots. Tfadal. C'est plus difficile à reproduire en français. On va dire que... Ça, c'est une traduction littérale. Wesh l'itidel, c'est-à-dire la manière, ou la manière pour laquelle, et selon laquelle, la preuve a été utilisée. Et pour laquelle elle a été utilisée. C'est-à-dire qu'ici, on parle de quoi, hein? On va illustrer avec un exemple. On parle de la noblesse de la science et la préscience de la science. On a cité un verset, en tout cas ici, de surat Taha, par exemple. Et avant ça, on a cité de surat Ali Imran. Eh bien, pourquoi on a utilisé ce verset? Pour montrer la noblesse et la préscience de la science. C'est ça qu'on appelle wajl istidlal. Et vous le voyez dans le verset ici, il est clair. Wa qul rabbi zidini ilman. L'imam Qurtubi va donner la réponse ici, il dit... Car s'il y avait quelqu'un de plus noble que les savants, Allah aurait joint leur nom, il fait référence à Sourate Al-Imran ici, et au nom des anges, comme il a joint le nom des savants. Vous voyez maintenant comment la noblesse des gens de science, elle est montrée, elle est prouvée par ce verset. D'accord? Donc je répète une dernière fois, il y a dans ce verset une preuve de la préscience de la science et de la noblesse des savants et leur préscience. Car s'il y avait quelqu'un, c'est ça Wajl Istidlal, car s'il y avait quelqu'un de plus noble que les savants, Allah aurait joint, subhanahu wa ta'ala, leur nom à son nom. Et au nom des anges, comme il a joint le nom de qui? Des savants. La traduction du sens de la parole d'Allah, adressé à son prophète, alayhi salatu wassalam, dit au sujet de la noblesse de la science, et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Wa qur rabbi zidini ilman. Surat Taha, comme j'ai dit, verset 114. Eh bien, si wajh l'istidlal, eh bien, c'est que si une chose était plus noble que la science, Allah aurait commandé à qui ? À son prophète, alayhi salatu wassalam, de lui augmenter. Comme il a commandé de lui demander de l'augmenter en science. Vous comprenez ça ? Wa qur rabbi zidni ilman. C'est qui parle ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. À qui ? À son prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui ordonne de quoi ? Wa qul, c'est un fi'l amr ici. C'est un verbe impératif, on est d'accord ? Wa qul rabbi zidni ilman. Et il dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances, ma science. Hein ? Donc ça veut dire que s'il y avait une chose qui était plus noble que la science, eh bien, on aurait demandé, Allah Azza wa Jal, il aurait commandé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de le lui accroître. C'est ça, wajh l'istidlal ici. Vous voyez que des fois, on lit des versets, mais on ne les comprend pas comme les savants le comprennent. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de la compréhension des ulama. Je vous donne la référence. J'ai mis l'ahkam de l'imam al-Qurtubi, et c'est l'édition d'Ar al-Hadith, volume 4, page 44. وقال ابن كثير رحمه الله سان غران مفسر دو قران الامام ابن كثير رحمه الله وقرن الله سبحانه وتعالى شهاده ملائكته واولي العلم بشهادته فقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وهذه خصوصيه عظيمه للعلماء في هذا المقام تفسير القران العظيم لابن كثير المجد الاول. L'imam Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce verset dans son exégèse du Coran, volume 1, dans surat Ali Imran. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a joint dans ce verset l'attestation de ses anges et des gens de science à la sienne, subhanahu wa ta'ala. Shahida, hein, c'est une attestation. Et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité. C'est quoi l'attestation ? Eh bien, c'est qu'il n'y a point de divinité à part lui, subhanahu wa ta'ala. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, de manière très claire et très concise, il dit, ceci est donc une grande et importante spécificité. C'est quelque chose de spécifique. À qui ? Qui est donné aux savants à cet endroit. Hein ? C'est-à-dire que, quand on utilise le terme de spécificité en français, c'est donné aux savants et autres que eux ou bien juste aux savants ? C'est donné juste aux savants. Est-ce que ça montre la noblesse et la préscience et la valeur des savants, oui ou non ? Hein ? Eh bien, c'est ça, ici encore une fois, la compréhension des savants par rapport à ce verset-là. Donc, je vous donne la référence, volume 1, comme j'ai dit, Tafsir Ibn Kathir, volume, page 555. Donc, le premier verset que j'ai cité, c'était quoi ? Le verset de Surat Ali Imran, verset 18. Bien, maintenant, on va citer un deuxième verset. Cité à titre d'exemple aussi, qui prouve la noblesse de la science, de la religion et de ses gens. Et c'est le neuvième verset de Surat Az-Zumar. Alors, qui sait me dire quel verset c'est ? Je vous aide un peu. Qul hal yastawi. Naam. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Ila akhir al-aya. La traduction du sens du verset dit « Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Qala ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'est l'élève de qui ? Du grand savant, Cheikh al-Islam, ibn al-Taymi, rahimahullah. Hein? Ils disent d'ailleurs les ulama « Wa tilmiduhu al-Qayyim ibn al-Qayyim. »« Innahu subhanahu nafa taswiyata bayna ahlih. » وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سورة الحشر verset 20 وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. Ibn Qayyim رحمه الله qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, et je vais terminer aujourd'hui ce cours par une magnifique parole d'Ibn Qayyim رحمه الله qui normalement devrait nous garder éveillés tout le week-end. Je la laisse pour la fin, c'est un peu pour le suspense, pour vous garder un peu. Hein. Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, a dénié que les gens de science et les autres soient égaux, comme la traduction du sens de sa parole dit. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Comme il a dénié que les gens du feu sur les égaux des gens du... Hein? Du paradis, n'ayez pas peur. J'assure que s'il y en a qui doit être mal à l'aise, c'est moi ici devant tout le monde. Hein? Hein? Les gens du paradis. Est-ce qu'ils sont égaux, les gens de l'enfer et les gens du paradis? Non. Et bien justement, comme il a dit ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a dénié que les gens de science et les autres soient égaux, comme il a dénié que les gens du feu soient les égaux des gens du paradis. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Surat al-Hashr, verset 20. Et Ibn Qayyim termine cette parole en disant, et ceci indique l'étendue de leur préscience et de leur noblesse. Je vous donne la référence, c'est un magnifique livre que je vous recommande vivement d'acheter, de garder à la maison, même si vous n'avez pas encore bien l'arabe, etc. Hein, gardez-le et préservez-le, et un jour, Inch'Allah, quand vous serez apte à le lire, lisez-le. Miftah Dar al-Sa'ada. Volume 1, page 221. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قال الزجاج أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي وقال غيره الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. Jami' li ahkam al-Qur'an al-Qurtubi, volume 15, page 666. On va traduire cette belle parole de l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, ce grand exégète du Coran. Et il dit, rahimahullah, Az-Zajjaj a dit, comme ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux, de même, qui n'est pas l'égal de l'autre, de même, l'obéissant, al-Muti', du mot quoi, qui vient du mot ta'a, al-Muti', c'est celui qui est sûr, qui obéit à Allah Azza wa Jal. Et les désobéissants, est-ce qu'ils sont égaux, l'obéissant et les désobéissants? Ils ne sont pas égaux. Al-Muti' wal-Asi. Eh bien ici, comme ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux, de même, l'obéissant et les désobéissants ne sont pas égaux. D'autres ont dit, c'est-à-dire parmi les savants, ceux qui savent sont ceux. Maintenant, ils définissent qui sont ceux qui savent. Et qu'Allah fasse, subhanahu wa ta'ala, qu'on fasse partie de ces gens-là. Ceux qui savent sont ceux qui bénéficient de leur science et la mettent en pratique. Tandis que celui qui n'a pas bénéficié de sa science et ne l'a pas mise en pratique, celui-là a le degré de celui qui ne sait pas. Hein? Et vous comprenez encore une fois la difficulté pour moi d'être ici devant vous en train de parler. Hein? Quand vous lisez ce genre de paroles. Sallallahu alayhi wa jal. An yuffiqana lima yuhibuhu yardaha ya ikhwani. Amr laysa bil hayyin. Al-Jami' li ahkam al-Qur'an, volume 15, page 666. Maintenant, Sa'di rahimahullah. L'imam Sa'di rahimahullah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna rabbahum wa dinahu ash-shar'i wa dinahu al-jazai wa ma lahu min al-asrar wal hikam wal ladhina la ya'lamuna shay'an min dhalik. Hein, ce grand avant, l'imam Sa'di rahimahullah, le cheikh, comme a dit notre frère Abu Hakim à la khutbah, il l'a cité, c'est le cheikh de Cheikh Al-Uthaymeen, le cheikh de Cheikh Abdallah Al-Bassam et d'autres mashayikh. Hein? La yastawi ha'oula wa la ha'oula kama la yastawi al-laylu wal-nahar wal-diya'u wal-zalam wal-ma'u wal-nar innama yatadhakkaru. Pourquoi il dit ça? Par la suite du verset, innama yatadhakkaru ulul albab. إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب أي أهل العقول. Et ça, je voudrais vraiment que vous fassiez attention à ça. أهل العقول الزكية الذكية فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف ما لا لب له ولا عقل فانه يتخذ الهه هواه عياذا بالله من ذلك تيسير الكريم الرحمن للسعدي كي سون فامي كوا سون فامي تفسير du Coran. السعدي رحمه الله قال لي فيز ميزيريكورد il a dit une très belle parole par rapport à ce verset de quelle sourate الزمر dit sont-ils égaux ceux qui savent leur seigneur et sa religion légiférée الشرعي دينه الشرعي et pénal, al-jazai, et ce qu'il y a dans cette religion comme sagesse, من الحكم. Et ceux qui ne savent rien de cela, وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ, ceux-ci ne sont pas égaux à cela, comme la nuit n'est pas égale au jour, ni la lumière à l'obscurité, ni l'eau n'est égale du feu, au feu. Seuls se rappellent, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ. C'est ça la suite du verset, ikhwa. Mohamed Lamine, tu me dis si je vais trop vite, hein? Je vais te fatiguer ce week-end, je crois. Ma'diratani, akhi, afwan. Seuls se rappellent lorsqu'ils sont rappelés les doués d'intelligence. Et là, il va définir ça. Ça, je voudrais, et c'est quelque chose que je dis d'une autre manière dans tous mes cours pendant l'année. J'ai des fois, il faut se regarder dans le miroir. Hein? C'est une expression que j'utilise. Et se dire, est-ce que je m'accepte comme ça en étant dans la situation de jihad dans laquelle je suis? Ça fait du bien de des fois se mettre un peu dans ces situations-là. Hein? Et d'essayer d'apprendre la religion. La religion, Allah Azza wa Jalla, facilité, hein, à celui qui la mérite. Mais il faut essayer, il faut prendre l'asbab. Et ça, on va le voir dans la Dora, Inch'Allah. Hein? Qu'on demande l'ilm, hein? Comme dans la fameuse dua. Allahumma, anfa'na bima, allamtana, wa allimna ma, yanfa'una. Wa? Ah, t'étais là en classe quand je l'ai fait avec les enfants, donc à Salafi School, donc tu la connais, hein? Hein? Hein, c'est une dua que j'ai fait avec le Cheikh Abdel Razzaq aux enfants de 3e année à l'école. Hein? Dans le cours de dua. Et ouais? Wazidna ilma. Ici, encore une fois, Wazidna ilma. Ahsant. Un petit livre. Hein? Wazidna ilma. Encore une fois, regardez. Comme quoi, les textes, ils ne se contredisent pas. Hein? Et il n'est pas dans mon. Je l'ai sorti maintenant. Je viens de me rappeler cette dua-là. À la fin, on termine la dua en disant quoi? Wazidna ilma. Et accroît notre science. Et bien, dans cette dua, qu'est-ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal? Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, dans son fameux livre sur fiqh dua wa al-adhkar, il dit, eh bien, qu'on demande dans cette dua Allah Azza wa Jal, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, qui nous rende bénéfique ce qu'il nous a appris. Et regardez après, et qu'il nous apprenne ce qui nous est bénéfique. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Et à la fin, wazidna 'ilma. Cheikh Abdel Razzaq, il a dit une très belle parole dans ce charh. Encore une fois, que j'ai fait avec les enfants, hein, il a dit que tu fais cette dua, mais ça ne suffit pas, comme il a dit Bilqim, rahimahullah. Tu prends aussi l'asbab. T'loub l'ilm, ya akhi. T'loub l'ilm, ya akhti. Hein? L'imam Muslim, rahimahullah, hein, je sors un peu du cours, mais des fois c'est important, il a rapporté avec un sanad sahih dans son authentique, de Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, qui l'a dit, pour les frères abophones s'ils veulent le mémoriser, rawa l'imam muslim fi sahihi an Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, annahu qal, la yunalu l'ilmu birahati l'jasad. Dans une autre riwaya, comme disait Cheikh Mokbir, rahimahullah, la yustata'u. Hein, première version, c'est quoi? La yunalu l'ilmu birahati l'jasad. Tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas obtenir, pour être plus précis. Ou bien la science ne peut pas être obtenue avec le repos du corps. Hein? Donc toi, Akhifila ou Akhifila qui se lève à midi qui veut et espère avoir la science, il faut revoir un peu ça. Il faut un peu de tab, il faut un peu de fatigue. La science, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir avec le repos du corps. Dans une autre riwaya, la yustata'u. Hein, c'est qu'en arabe pour les frères arabophones, c'est. Hein, on ne peut pas, c'est pas possible. La yustata'u l'ilmu birahati al-badan ou al-jasad. Donc il faut prendre l'asbab. Alhamdulillah, zakum lo khiran. Hein, c'est ce que vous faites. Wala nzuzuki ala Allah yahada. Vous êtes ici pourquoi? Pour apprendre la science, c'est ça, c'est par ce genre d'asbab. Ou les gens qui sont sur internet, ou les sœurs qui sont à l'arrière. Hein, il y a même des enfants ici. Tout le monde profite, et bien c'est ça qui est demandé. C'est de prendre l'asbab. Et la clé de ça, c'est quoi? La langue arabe, ya ikhwa. Amr al-Khattab, radiallahu anhu, arda, il disait Alaykum bil-arabiya fa innaha min dinikum. Et ça, c'est vrai que des fois, il y a un laxisme vis-à-vis de la langue arabe. Hein? Moi, je suis né en Belgique, j'étais francophone aussi, j'ai dû apprendre l'arabe à un moment ou à l'autre. Tu ne peux pas, ya akhifillah, accéder à la science islamique de manière complète sans la langue arabe. حفظ القرآن. أهل القرآن أهل الله وخاصته. سبحان الله، الله أكبر. حفظ القرآن، حفظ الأحاديث. تخيب حديث شيخ عبد الرزاق إلى فين بل إكسبيكاشن ساي سون بير كيكي شيخ محسن العباد dans sa compilation de livres il a fait si je me trompe pas plus de 100 pages sur ce c'est sur l'Abbad plus de 100 pages sur ce hadith là. نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها كما وعاها بارك نظر الله فوعاها فأداها كما سمعها احسنت بارك الله فيك. Il y a plusieurs riwayat mais le frère il a raison pour cette là. Et bien quoi c'est quoi c'est que نظر الله اي كما قال الشيخ مقبل رحمه الله جعله ذا نظرة. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui fait une dua. Et Cheikh Abdelrazzaq, dans une khutbah de Jumu'ah, il dit que chaque musulman il doit essayer de rentrer dans cette dua en mémorisant ne fût-ce qu'un hadith. C'est quoi la dua? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il rende beau, qu'il embellisse le visage de celui qui mémorise ma parole. Allahu Akbar. Et vous connaissez la beauté des visages des gens de la sunna, des muhadithin. Regardez le visage de Cheikh Rabi' pour les gens qui ont pu le visiter, hafidahullah. Le visage de Cheikh Al-Abbad, le visage de Cheikh Abil Jabiri, Cheikh Mohamed ibn Hadi, et Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Abdullah al-Bukhari et d'autres. La liste est longue. Regardez les visages. Il faut t'lub l'ilm, ya ikhwa. Ala kulli hal, Cheikh Sa'di, rahimahullah, dans son explication de surat Az-Zumar, qu'on recadre un peu le contexte, il a dit, seuls se rappellent lorsqu'ils sont rappelés les doués d'intelligence. C'est-à-dire, les doués de raison intelligente. Ahlul Uqul, en arabe, il a dit quoi? Az-Zakiya, Az-Zakiya. Az-Zakiya, pur. Az-Zakiya, doué d'intelligence, de Zaka, intelligence en langue arabe. C'est-à-dire, les doués de raison intelligente et pure. Ils sont ceux, regardez à quoi je voulais en venir depuis tout à l'heure. Ils sont ceux qui préfèrent le supérieur à ceux qui est inférieur. Maintenant, celui qui veut l'inférieur, il préfère donc la science à l'ignorance. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala à sa désobéissance. Car ils sont doués de raison qui les oriente à regarder al-awaqib. En arabe, c'est quoi? Les conséquences et les issues. Contrairement à qui? À celui qui n'est pas doué de raison ni d'intelligence, qui donc prend ses désirs comme divinité. Tessir Karim al-Rahman, page 666, pour les frères qui veulent la référence. Donc j'ai dit le premier verset que j'ai cité sur quoi? Sur la noblesse, la préscience de la science et des gens de science. C'était quoi le verset de Surat Al-Imran, verset numéro 18. Deuxième verset, Zumar, numéro 9, Ahsant. Non, Zumar. Et Taha, il est venu renforcer le verset de Surat Zumar. Mais c'est juste, je l'ai cité également. Mais le principal, on va regarder ça comme ça, surat Ali Imran, verset 18, après quoi? Surat Zumar, verset 9. Dans l'explication, on a cité notamment l'Hashr, verset 20, Taha, verset 114. C'est bien d'avoir un talib ilm, il doit avoir quoi? Un esprit de synthèse. Et bien quoi, maintenant le troisième verset, cité à titre d'exemple des preuves sur la noblesse de la science et de ses gens. Et le onzième verset de surat Al-Mujadala. Qui veut le citer? Je cite le début pour vous aider. Ya ayyuhal ladhina amanu idha qila lakum tafassahu. Et je vous laisse terminer. Yafsahillahu lakum. Naam, Ahsan, continue. Wa idha qila. Wa idha qila nshuzu. Et là, il est là, shahid. C'est pour ça que j'ai cité le verset. Yarfa'illahu ladhina amanu. منكم والذين اوتوا العلم كوا درجات احسن بارك الله فيك شو بغا نقول لك بارك الله فيك سوره المجادله فيرسي 11 والله بما تعملون خبيركم ستغمي لو فيرسي لا تراديسيون دو سونس دو لا بارول دالله او فو كي افي كرو je m'excuse déjà auprès des sœurs parce qu'elles ont pas l'opportunité de pouvoir répondre, mais elles peuvent répondre aux sœurs qui sont derrière, comme Oum Abdelrahman et Oum Zakaria, etc. Qu'elle récompense parmi les organisatrices de la Daura. hein, et qu'ils nous donnent les noms et qu'on leur donnera un livre, Inch'Allah. Oh, vous qui avez cru qu'on vous dit, faites place aux autres dans les assemblées. Alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru. Et maintenant, le shahid ici, c'est quoi? Et ceux qui auront reçu le savoir, la science. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat al-Mujadala, comme j'ai dit, verset 11. Qal Qurtubi rahimahullah. Qawluhu ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ay, fi thawab fi l'akhira. Wa fi l'karamati fi d'dunya. فَيَرْفَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَالْعَالِمُ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَدَحَ اللَّهُ الْعُلَمَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُؤْتَوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ أَيْ دَرَجَاتٍ فِي دِينِهِمْ إِذَا فَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ الجامع لأحكام القرآن المجلد 17. Al-Qurtubi rahimahullah, qu'Allah le fasse miséricorde, il a dit, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront quoi? Qui auront cru. Et ceux qui auront reçu le savoir, c'est-à-dire en récompense dans l'au-delà. Et en noblesse dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala donc élève le croyant par rapport à celui qui n'est pas croyant. Et il élève le savant par rapport à celui qui n'est pas savant. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans ce verset, quoi? L'éloge des savants. Hein? Imaginez-vous. Hein? Allah fait l'éloge de ces gens-là. Rien que ça, ça suffit en motivation pour apprendre la science. Et le sens est qu'il élève ceux qui auront reçu la science par rapport à ceux qui ont cru, mais n'ont pas reçu la science. En degré, c'est-à-dire en degré dans leur religion. En degré, c'est-à-dire en degré dans leur religion, s'il. C'est quoi en français ça? Ou en arabe? Jumla quoi? Shartiya, une conditionnelle. S'ils ont mis en application ce qu'ils ont été ordonnés de faire. Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an al-Qurtubi, volume 17, page 285. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah, qad akhbara subhanahu fi kitabihi. برفع الدرجات في أربعة مواضع أحدها هذا من سورة ماذا؟ المجادلة الثاني قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سورة الأنفال والثالث قوله ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى سورة طه والرابع قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين مفتاح دار السعادة ديكي كجسيتي بخسيدامون ابن القيم رحمه الله فوليوم 1 باج 224 فضل الله المجاهدين سورة النساء بارك الله فيك أحسنت بالقيم رحمه الله كان الفاس ميز ريكورد il a dit Allah a quatre reprises informé dans son livre de l'élévation en degré quatre reprises le premier verset c'est celui qu'on vient de citer de سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا إلى آخر الآية le deuxième est celui dont la traduction du sens est les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, Cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. C'est qui ? Ceux qui accomplissent la salah et qui dépensent dans le sentier d'Allah. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a cité dans la Jumu'ah aujourd'hui. Hein ? Et dans le sentier d'Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là, en toute vérité, hein, sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés. Voilà le shahid ici. À eux des degrés élevés. Auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Je vous donne la référence, sourate Al-Anfal, versets 2 à 4. Troisième verset, après le Mujadala, verset 11, si je ne me trompe pas. Hein. Après quoi ? On a dit quoi ? Sourate Al-Anfal, 2 à 4. Et maintenant, sourate Taha. Troisième verset, dans la traduction du sens est « Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. » Sourate Taha, verset 75. Le quatrième verset est celui dont la traduction du sens est, et comme je l'ai dit aux frères, c'est sourate Nisa, verset 95. Sourate Nisa, verset 95. Et Allah a mis les combattants au-dessus, vous voyez encore la notion de degré, des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Voici donc les quatre endroits, comme a dit le Qayyim rahimahullah. Il y a dans trois d'entre eux l'élévation en degré pour les gens dotés de quoi ? De l'iman, la foi. Il y a peut-être des frères qui vont se dire, mais on parle de science ici. Mais le chéri va donner la réponse. La foi qui est la science bénéfique et l'action vertueuse. Les quatre versets, sourate Al-Mujadala, verset 11, sourate Al-Anfal, 2 à 4, sourate Taha, 75, sourate Nisa, 95. Vous me dites si je me suis trompé, hein. Ali Imran, on n'a pas cité maintenant. Okay. Donc, on a dit quoi ? Mujadala, Al-Anfal, Taha et Anissa. Ça va ? Il dit, Rahimallah, voici donc les quatre endroits. Il y a dans trois d'entre eux l'élévation en degré pour les gens dotés de foi, qui est la science bénéfique et l'action vertueuse. Tandis que dans le quatrième, il y a l'élévation par quoi ? Par le jihad. L'élévation, et évidemment quand on parle de jihad, c'est le jihad légiféré, pas le jihad des khawarij qui est un façade. L'élévation revient hein, dans tous les degrés à la science et au jihad par lesquels, par les deux, hein, par lesquels, al-ladhaini, comme l'a dit le cheikh en arabe ici, se fait le maintien de la religion. Miftah dans Sa'ada, volume 1, page 224. Hein, un petit peu de patience, on est presque à la fin. Il convient ici, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette conférence, basée sur le noble livre d'Allah Azzawajal, le Coran, de se rappeler qu'il y a des conditions à respecter. Et ça, maintenant, je viens à la parole qui va nous garder éveillé, Inch'Allah, d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Hein? J'ai vraiment voulu la rapporter parce que quand j'ai lu cette parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, elle m'a beaucoup touché. Hein? Et je voudrais qu'on la garde à l'esprit tout le week-end et que vous la rappeliez les uns les autres. Inch'Allah. De se rappeler qu'il y a des conditions à respecter si l'on veut quoi ? Bénéficier du Coran, ce qu'on appelle al-intifa'u bil Qur'an. Eh bien, je voudrais partager avec vous ces paroles à écrire à l'encre d'or d'un éminent savant décédé en l'an 751 de l'Hégire, un éminent savant, élève d'un éminent savant, hein, j'ai déjà vendu la mèche comme on dit depuis tout à l'heure, c'est qui ? Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde. Des paroles dont je voudrais qu'on les garde tous à l'esprit tout au long de cette conférence et après cette conférence. Parce que c'est ça le but. Hein? Le frère, je ne sais pas s'il a lu au début, je n'étais pas très très attentif. Dans les nasa'ih de Cheikh Saleh Al-Ishir, il recommande, à quelques semaines au moins après la daura, de quoi de revoir les notes. Et ça, c'est un problème qu'on a beaucoup. C'est le muraja'a. Hein? Et surtout dans le Coran. Je dis toujours aux élèves du Coran, je dis toujours, le muraja'a, elle doit être plus importante que l'hifd. Sinon, c'est comme si tu contredisais, hein, sur de l'eau. Ça ne tient pas. Tu rajoutes et toi, tu oublies ce qu'il y a avant. Le muraja'a, c'est très important. Gardez des notes. Vous avez les audios, on a notre site internet, SPF Birmingham. Hein, les cours de la Dora, Inch'Allah, on va les mettre sur ce site. Si vous voulez les télécharger quand vous rentrez chez vous, etc. Aussi, ce qui aide à garder la science, c'est de faire da'wah. Rentrez, expliquez à vos épouses, à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs, subhanallah, des fois on fait da'wah à tout le monde sauf aux gens qui sont proches de nous. Alors qu'Allah dans le Coran, il a dit, hein, wa anzir ashirataka al-aqrabin. C'est d'abord les proches, c'est eux qui sont le plus en droit. Et où est-nous par rapport à ça? قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد cet excellent livre d'Ibn Qayyim رحمه الله. Je vais essayer de lire un peu longuement en arabe et qu'on se concentre un peu sur le français pour qu'il n'y ait pas de coupure pour les arabophones et qu'il n'y ait pas de coupure pour les francophones. إذا أردت الانتفاع بالقرآن, regardez le chart ici, إذا فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك وحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه, أي الله سبحانه وتعالى المتكلم, الله سبحانه وتعالى, فإنه خطاب منه سبحانه وتعالى لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن في ذلك, ها سورة قاف, إن في ذلك لذكرى, ولكن لمن؟ لمن كان له قلب أو الأقس ألقى السمع وهو شهيد. Regardez les conditions, les موانع ici que ce verset rapporte d'une manière très concise mais qui est très complet. On va expliquer ça dans un instant. Je sais que c'est, ici ça va être un peu technique mais c'est très très intéressant. Vous allez voir que des fois on est assez loin de tirer le bénéfice du Coran. وذلك, maintenant il explique, أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل, on va voir que c'est le cœur plus tard inshallah, وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه, أي الانتفاع, تضمنت الآية بيان ذلك كله وبيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبيانه وأدله على المراد, فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا, وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب, فهذا هو المحل قابل, le récipient comme on va en français. والمراد بالقلب, أي قلب؟ القلب الحي الذي يعقل عن الله تعالى, كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا, سورة ياسين, أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع, أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له, وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد, أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة, je vais finir là-dessus, la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو السهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. Regardez la conclusion d'Ibn Qayyim. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Cheikh l'Islam. إذا حصل المؤثر وهو القرآن. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui affecte. C'est quoi? L'influence, si vous voulez. C'est le rappel. Par quoi? Par le Coran. Le مؤثر en langue arabe. وهو القرآن. والمحل قابل. Il y a un récipient. C'est quoi? Le cœur. Quel cœur, comme il a dit? Le cœur vivant, le hay. وهو القلب الحي. ووجد الشرط. Et que la condition est là. C'est quoi la condition? وهو الإصغاء. إصغاء. Le fait de d'écouter. وانتفاء المانع وهو اشتغال القلب. Il y a quelque chose maintenant. Vous connaissez la différence d'un shart en langue arabe? C'est quoi? Hein? L'opposé, pardon, c'est un mani'. Vous avez une condition, il y a quelque chose qui empêche. Hein? Et bien, qu'est-ce que la condition? C'est que tu écoutes et que tu sois présent avec ton cœur. Hein? Un cœur vivant qui soit prêt à recevoir ce rappel et qu'en plus, ce qui t'empêche d'avoir ce rappel ne soit pas là non plus. Et c'est quoi? Et bien, il va le dire ici. ظهوله وهو اشتغال القلب وظهوله عن معنى الخطاب. Je vais traduire après, Inch'Allah. وانصرافه عنه إلى شيء آخر. Donc, s'il y a tout ça, et c'est la conclusion, حصل الأثر وهو الانتفاع وتذكر. Maintenant, je vais terminer en expliquant ça en français et puis on aura terminé le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et je vous demander un petit peu de patience et un petit peu de force. Je sais que j'étais un peu long. Je m'excuse pour cela. Mais c'est tellement important cette phrase. Hein, c'est tellement important de la comprendre et de la garder à l'esprit. D'accord ? Eh bien, Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit son magnifique livre qui s'appelle Fawaid. Donc, Ta'amulat fi surati Qaf. Réflexion, méditation de surat Qaf. Et je vous recommande vraiment de le lire, c'est magnifique. Si tu veux bénéficier du Coran, on a dit quoi ? C'est une phrase conditionnelle ici. Si tu veux bénéficier du Coran, celui qui ne veut pas, on ne sait rien faire. Si tu veux bénéficier du Coran, regroupe ton cœur, fajma' qalbak, lors de sa récitation, c'est-à-dire la récitation du Coran, et de son écoute, et prête l'oreille, et sois présent de la présence de celui à qui s'adresse la parole de ce qu'il a dit, c'est-à-dire qui ? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a dit. Hein ? Car c'est une parole qu'il t'adresse à toi par la langue de qui ? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi je répète ça, que tu regroupes ton cœur, que tu sois présent. Et que tu prêtes l'oreille, que tu écoutes. Que tu sois présent de la présence de qui ? Hein ? Quand tu sais, que tu te rappelles que c'est Allah qui te parle. Tu vas être absent ou tu vas être présent ? Être présent. Car c'est une parole qu'il t'adresse par la langue de son messager, alayhi salatu wassalam. Et où est-nous par rapport à ça ? Nous tous, moi avec vous, où est-nous par rapport à ça ? Je ne veux pas la réponse, ni chacun il se pose lui-même la question. La traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit : il y a bien là un rappel. Pour qui ? Pour quiconque a un cœur. On va voir que c'est quoi un cœur ? Vivant, prête l'oreille tout en étant témoin. Sourate Qaf, verset 37. Le Cheikh, il continue en disant, et comme l'influence ne peut être complète que s'ils sont réunis l'influent requis. C'est-à-dire quoi ? C'est quoi qui influe ? C'est quoi le rappel ? La parole d'Allah, le Coran, Ahsan, Jazakallahu Khairan. Et l'endroit réceptif, c'est quoi ? Je vous aide, je fais le geste. Les sœurs, elles ont plus difficile, elles ne voient pas. Hein ? Le cœur, Ahsan, et quel cœur on a dit ? Le cœur vivant, Al-Qalb Al-Hayy. On a dit quoi ? Donc au début, on a dit l'influent requis, c'est Al-Qur'an. Le cœur, ou plutôt le récipient, c'est quoi ? Le cœur vivant. Si tu veux. Hein ? Et la condition pour que l'influence se fasse, c'est quoi la condition ? C'est prêter l'oreille. Et que le mani' ne soit pas là. Et ce qui empêche cette influence soit absent, eh bien, c'est quoi ? C'est de ne pas être attentif. Hein ? Ou plutôt, c'est de ne pas être inattentif. C'est ça qu'il faut être. Mais le mani', c'est de ne pas être attentif. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand il ne faut pas être inattentif ? Il faut être attentif. Ça va vous suivre, alhamdoulilah. Hein ? Ce verset a donc mis en évidence tout cela de la manière la plus concise. Regardez-le, al-lafd, en arabe. « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasma wa huwa shahid. » Regardez la puissance du Coran et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset a donc mis en évidence tout cela de la manière la plus concise, et la plus claire et la plus explicite. Il y a bien là un rappel. Inna fi dhalika, pour les frères colons, regardez, le tawkid. Inna fi dhalika la dhikra. Hein, liman. Inna fi dhalika la dhikra, il y a bien là un rappel. Ceci est une indication de ce qui a précédé au début, du début de la sourate jusqu'à cet endroit. Et c'est cela l'influent. Et c'est une sourate qu'on lit à quel moment ? Une fois par semaine au moins. Jumu'ah. L'imam, il la lit normalement. Sunna, sur le minbar. Sourate Qaf. Hein ? Et c'est une sunna que notre frère Abu Sayyib revivifie chaque fois qu'il en a l'occasion. Hafidhahullah ta'ala. Hein ? On a dit quoi ? Ceci est l'indication de ce qui a précédé du début de la sourate jusqu'à cet endroit, et c'est cela l'influent. Hein ? Il y a certaines sahabiettes qui l'ont étudié juste, mémorisé, juste en l'entendant du prophète sur le minbar. Pour quiconque a un cœur. L'iman kana lahu qalbun. Ceci est l'endroit réceptif. comme il a dit le frère, le réceptacle. Ce qui est voulu ici, c'est que le cœur vivant qui médite au sujet d'Allah Azza wa Jal. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, les surat Yassine, versets 69-70, hein, désolé pour les Belges, 70, hein, ceci n'est qu'un rappel et une lecture Coran clair. Pour qu'il avertisse, regardez, liyundira man kana hayyan. Pour qu'il avertisse qui ? Celui qui est vivant. Et que la parole se réalise contre les mécréants. Surat Yassine, verset 69-70. C'est-à-dire, hayyan li man kana, hayyan, c'est-à-dire qui ? Eh bien, ay hayya al qalb, qui a le cœur vivant, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Prête l'oreille, wa alqa sam'a. C'est-à-dire, oriente son ouïe et prête l'oreille à ce qui lui est dit. Et ceci est la condition pour être influencé par sa parole. La parole de qui ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, wa huwa shahid, tout en étant témoin, qui a le cœur témoin, présent, pas absent. Combien de fois on assiste à un cours des fois ? Et comme disait Cheikh Al-Uthaymeen, uhdur wa hudur, hein ? Al-qalb wa al-ashad wa laysa qulub faqat al-ashad, hein ? Souvent dans les frères qui écoutent les cassettes de Cheikh Al-Uthaymeen, t'entends, il va demander à quelqu'un d'aller faire le wudu. Hein? Parce qu'il s'est endormi. Hein? Ou bien il demande, hein? Il lui dit gentiment, il dit, il dit, va faire le wudu. Hein? Ou bien il dit, toi, qu'est-ce que je viens de dire? Hein? D'accord? Hein? Ça fait parmi du bon enseignement de Charles Uthaymeen. Et parmi mes collègues qui sont spécialisés dans le teaching, dans l'éducation, il y a un frère qui s'attache à étudier la méthodologie, la pédagogie de Charles Uthaymeen. Hein? Et certains que je connais, frères qui sont de haut niveau dans l'enseignement, etc., qui ont été des directeurs d'école dans d'autres pays, etc., et ici, eh bien, ils disent que Kuffar et musulmans confondus, ils n'ont jamais vu d'enseignants comme Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, au niveau pédagogique. Et c'est vrai, quand vous écoutez Cheikh Sidouros, c'est quelqu'un qui savait comment donner cours à Ali, rahimahullah. Évidemment, tous les savants savent donner cours, mais vous comprenez ce que je veux dire par là, hein? Donc il faut pas être ici juste par les corps. Hein? Il faut les corps et les cœurs. Il faut un éveil. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici en fait. Tout en étant témoin, qu'il y a le cœur témoin présent, pas absent. Ibn Qutayba, je termine là-dessus. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit. C'est-à-dire qui a écouté le livre d'Allah en ayant le cœur présent et en comprenant. D'ailleurs, je vous donne un truc. Ben, pose-toi la question à la fin. De quoi il a parlé le frère aujourd'hui ? Si tu ne sais pas répondre, eh bien que tu as une réponse. Justement, si tu ne sais pas répondre, tu as ta réponse. Hein ? Tu sais savoir si tu as été, quoi ? Attentif ou pas ? Hein ? D'accord ? D'ailleurs, ce matin, on a eu à l'école ici, on a eu un cours fait par le directeur. Il leur a fait une ansiha au niveau de Asma ou Sifat, aux enfants ici à l'école. À la fin du cours, j'étais en 6e année, je leur faisais du'a, je dis, vous avez écouté ? Ils m'ont dit, yana'am oustad. Je fais un test résumé. Page blanche, résumé de ce que vous avez entendu. Hein? Je ne vais pas faire ça, vous êtes des invités. Hein? C'est le premier jour. On va take it easy, comme ils disent ici. Hein? D'accord ? Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire, en fait. Il faut arriver à s'interroger soi-même et à se poser la question, honnêtement, est-ce que vraiment j'ai cet effet d'année ? Est-ce que j'ai pris des bénéfices du cours ou pas ? Hein? Sinon, bah, on peut toujours revoir les notes, on peut toujours se rattraper ou demander à des frères. C'est ça, ta'aounou si'a l'albiru wa taqwa. Hein ? On a dit quoi ? Qui a écouté le livre d'Allah en ayant le cœur présent et en comprenant, sans être absent ni distrait. Et ceci est une indication de ce qui empêche l'influence de se faire, l'effet de se produire. Et c'est d'avoir le cœur occupé et absent, distrait, quant au sens de ce qui lui est dit, et de l'examiner et de le méditer. Donc si l'influent est présent, et c'est le Coran comme on a dit, le mot affir en langue arabe. Et l'endroit qui est le récipient de cette influence. On a dit quoi ? Al-qalb al-hayy. Et c'est le cœur vivant. Et la condition, un shart, qui est de prêter l'oreille, ce qu'on a dit en arabe, al-isra, ou l'istima', si vous voulez. Hein, de prêter l'oreille. Et que l'empêchement est absent, le mani', c'est quoi le ghafla ? C'est d'être distrait, insouciant, inattentif. Et c'est d'être distrait quant au sens de la parole adressée et d'occuper le cœur avec quelque chose d'autre. Si tout cela est réuni, alors seulement l'influence se fait l'effet se réalise, et c'est de bénéficier et de se rappeler. Hein? Je vais laisser la place. Je le vois pas. Il est là. Ah, ça. Je vais laisser la place à Abou Abdillah Ibrahim. Comme j'ai un peu. Je suis à temps. Il est 7h30. Vous avez une demi-heure avant le cours de Ammar. Hafidhahullah Ta'ala. Je vous laisse le choix. Abou Abdillah, il voulait peut-être vous poser quelques petites questions. Quelques, hein? En langue arabe, c'est ça que tu voulais faire? En nahou, etc. Un petit peu ou dans d'autres domaines. Pour avoir l'opportunité de vous donner quelques livres. Ou bien pour avoir votre break tout de suite. C'est vous qui décidez. Hein, et je voudrais déjà vous dire que, yani, si vous avez besoin de quoi que ce soit, que ce ne soit pas des paroles en l'air qu'on a dites ici, yani, demandez-le nous, vous avez les frères organisateurs, les frères qui sont résidents, alhamdoulilah, ici à Birmingham, ils sont tous là pour vous aider, chacun en fonction de ses possibilités. De l'autre côté, il y a les sœurs, hein, il y a Oum Abdurrahman, Oum Safiya, et d'autres sœurs, Oum Zakaria, et d'autres sœurs qui sont là, d'autres sœurs que j'ai oubliées, hein, que j'ai sûrement oubliées. Et ici, il y a nos frères, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas les embarrasser, mais alhamdoulilah, les frères, ils sont ici, ils sont là pour vous aider, et à leur tête, il me fait signe de loin. Anil, vous avez à leur tête les caretakers, c'est-à-dire les frères qui s'occupent de la mosquée, qui s'occupent de l'organisation de la mosquée. Hein, n'hésitez pas, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous êtes nos invités, vous avez un droit sur nous, demandez-le nous, hein, si c'est dans nos capacités, dans nos, hein, dans nos possibilités. Et je vous laisse, il y a le frère Amar qui est là dans le fond, je ne vais pas trop tarder. Abu Abdillah, tfaddal, wa Allahu a'lam, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.